200 louis, bien compté. Je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Je vous suis trop obligé. Ah. Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Madame Jourdain vous baise les mains. Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le ballet et le repas. Et je l'ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui voulez donner. Tirons-nous un peu plus loin, pour cause. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu, et je ne vous ai point mandé de nouvelles du diamant que vous me mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre part. Mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre sans scrupule, et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux. Ah. Je me trompe fort, ou la beauté de ce diamant fera pour vous, sur son esprit, un effet admirable. Plutôt ciel. Quand il est une fois avec lui, il ne peut le quitter. Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour. Ce sont, monsieur, des bontés qui m'accablent et je suis dans une confusion la plus grande du monde de voir une personne de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites. Vous moquez-vous? Est-ce qu'entre amis, on s'arrête à ces sortes de scrupules? Et ne feriez-vous pas pour moi la même chose si l'occasion s'en offrait? Oh, assurément, et de très grande peur. Que sa présence me pèse sur les épaules. Pour moi, je ne regarde rien quand il faut servir un ami. Et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable chez qui j'avais commerce, vous vîtes que d'abord je m'offris de moi-même à servir votre amour. Il est vrai, ce sont des bontés qui me confondent. Est-ce qu'il ne s'en ira point? Ils se trouvent bien ensemble. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles. Et vos fréquentes sérénades et vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part et le cadeau que vous lui préparez, tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Il n'y a point de dépense que je ne fisse si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants et c'est un honneur que j'achèterais au prix de toute chose. Peuvent-ils t'en dire ensemble? Va-t'en un peu tout doucement prêter l'oreille. Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue. Et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur. Où elle passera toute l'après-dîner. Vous avez fait prudemment. Et votre femme aurait pu nous embarrasser. J'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier et à toutes les choses qui sont nécessaires pour le ballet. Il est de mon invention. Et pourvu que l'exécution puisse répondre à l'idée, je suis sûr qu'il sera trouvé. Ouais! Vous êtes bien impertinente. Sortons, s'il vous plaît.